Le site de Mélissa, fundaciomelissa.org, vous ouvrira encore plus de fenêtres sur le latin vivant. Ainsi, en entrant, grec latiné loquentium, ensemble de personnes s'exprimant en latin, fondé en 1996 par le polonais Konrado Kokotiewicz, vous aurez à votre disposition quantité de grands auteurs européens, Boccace, Dante, Dubélé, Hume, Quevedo, Shakespeare, etc., traduits en latin, actuellement ou au siècle dernier, par autant d'Européens différents, dont l'italien Vittorio Ciarocchi. Parmi ces personnes exprimant en latin, j'en ai retenu une autre comme exemple significatif du latin langue de l'Europe. Il s'agit d'Eric Jovanovic, surnommé Livonius, car il naquit en Livonie, dont le territoire est réparti aujourd'hui entre l'Estonie et la Lettonie. Orphelin, suite à la Deuxième Guerre mondiale, adopté par un Américain, il vint faire ses études aux États-Unis et pendant 10 ans, il servit comme officier dans l'armée américaine. Après quoi, il bourlinga en Angleterre, au Maroc, au Canada, en Yougoslavie et jusqu'en Inde, avant de venir s'établir à Budapest, où il mourut en 2004. Or, lui, qui avait pratiqué ou avait été en contact, avait tant de langues différentes, et non des moindres, c'est en latin qu'il rédigea et publia en 1989 un ouvrage intitulé « Cantus Cicadarum », le chant des cigales. Ce recueil de 50 poèmes, où il jongle avec différents types de vers latins, est bien la preuve, conclut son biographe sur la toile, que le latin est encore aujourd'hui source de création et de poésie.